somme, c'est normal, ça sort de la somme. Racaille, ton rap seul. Sortir les grosses sommes, c'est normal, ça sort de la somme. Mon rap cogne, mon rap sonne. Sans sortir les grosses sommes, c'est lui Zep. Ça sort de la somme, ça sort de la somme. J'approuve mes textes hors compète de la radio, parce que le rap doit rester authentique. Je vais pas baisser mon slip, faire un hit. On me dit que je suis hardcore, mais regarde-moi le décor. Ça sent la mort, rien que c'est gore et violence. Tu sors bloc, oublie pas de mettre les gants. 8-0 c'est sanglant, mon rap est violent. Furax sur la plaque, t'as reconnu ma couillard. Je te fais passer du rêve au cauchemar. Et nana, réveille-toi, il est plus l'heure de dormir. Si ça brûle dans les cités, c'est normal, c'est mérité. Ils veulent nous faire couler, sombrer. Voilà pourquoi mon rap reste vrai. Ils nous en font parler sans regret. Je suis avec la haine tous les jours, de jour en jour. C'est de plus en plus tendu comme un mec face à un flic plein des cheats. Ils veulent nous faire croire que c'est la merde, mais investissent en Chine et nous font croire que la France est en crise. Comme sans sortir les grosses sommes, c'est normal, ça sort de la somme. Comme sans sortir les grosses sommes, c'est normal, ça sort de la somme.